pris sur le vif. Écoutez. Pardon, monsieur. La rue de Rivoli, s'il vous plaît. Vous tournez à droite, puis vous prenez la première rue à gauche. Merci, monsieur. Est-ce loin d'ici? Non, c'est tout près. Répétez. Pardon, monsieur. La rue de Rivoli, s'il vous plaît. Vous tournez à droite, puis vous prenez la première rue à gauche. Merci, monsieur. Est-ce loin d'ici? Non, c'est tout près. Écoutez. Que cherches-tu? Je cherche la poste. Elle n'est pas loin. Tu tournes à gauche au coin de la rue et c'est tout droit. Merci, madame. Répétez. Que cherches-tu? Je cherche la poste. Elle n'est pas loin. Tu tournes à gauche au coin de la rue et c'est tout droit. Merci, madame. Écoutez. Pardon, monsieur. La route pour Quiberon, s'il vous plaît. Vous continuez tout droit, puis vous prenez la direction de l'Orient. À la sortie de la ville, au deuxième feu, vous tournez à gauche et c'est indiqué. Merci, monsieur. À votre service. Répétez. Pardon, monsieur. La route pour Quiberon, s'il vous plaît. Vous continuez tout droit, puis vous prenez la direction de l'Orient. À la sortie de la ville, au deuxième feu, vous tournez à gauche et c'est indiqué. Merci, monsieur. À votre service.